points d'interrogation. Est-ce que je suis un festin sur la table que le diable désigne? Est-ce que le destin, intestable, est fait de signes? Est-ce que nos traits, nos défauts, se colmatent par l'aumône? Ai-je vu des treutres et des faux? Suis-je infiltré comme Matt Damon? Est-ce que je tuerai pour les miens? Boiront-ils le calice? Est-ce que certains de mes liens me trahiront pour du khalis? Est-ce qu'ils saliront ma tombe? Est-ce qu'ils vont cracher sur mes lettres? Est-ce que j'irai lâcher des bombes parce que caché dans mon mal-être? Est-ce que les macs ont une raison? Les yeux secs, sommes-nous conscients? Est-ce à bon escient qu'on règle sur Mac mes oraisons? Est-ce que ces mecs ont du nez parce qu'ils t'apportent la cocaïne? Derrière ma porte, suis-je mal luné? Est-ce que tout ça me porte l'urine? Dois-je douter du meilleur? Est-ce que j'ai des prémonitions? Est-ce que j'ai les munitions pour aller shooter mes frayeurs? Est-ce que les solutions sont au plus profond de nos crânes, dans toutes nos résolutions ou dans le fond d'un jerrycan? En outre, est-ce que mes critères sont autres que ceux du milieu? Est-ce que je suis solitaire? Devrais-je foutre le camp des lieux? Est-ce que les fous sont un enjeu? Vais-je le voir si je me cartonne? Est-ce que je la joue franc? Je vois juste à la Edward Norton. Est-ce que la misère te déroute? Qu'une fois chez toi posé, est-ce que ce désert n'est qu'une route? Et moi, suis-je un Kaiser sosé? Dans ma boîte crânienne, aux pensées hallucinogènes, rien de sensé ni d'homogène, atmosphère moite et quotidienne. En moi cette propension à faire les prolongations, à mes points d'interrogation répond trois points de suspension. Dans ma boîte crânienne, aux pensées hallucinogènes, rien de sensé ni d'homogène, atmosphère moite et quotidienne. En moi cette propension à faire les prolongations, à mes points d'interrogation répond trois points de suspension. Est-ce que l'éphémère nous sépare? Y a-t-il des vrais dans ce casting? Est-ce que je rêverai du départ d'un frère à la Will Hunting? Est-ce que j'écris, je crée comme un rempart à la folie? Est-ce que le joli est sacré? L'homme a-t-il une part de Dolly? Est-ce que nos voix sont linéaires? Mes cris sont-ils un sonar? Est-ce qu'en vérité mon art est la voix de ce millénaire? Est-ce que tout est vanité? Y a-t-il autre chose à mériter? Est-ce qu'une dose de sincérité forte peut hisser l'humanité? Est-ce que nos vies nous étiolons? Vais-je dévisser face au but? Donner un avis au brut? Serait-ce pisser dans un violon? Est-ce que mes complices sont plus forts quand ils endurent de sales auspices? Est-ce qu'ils accomplissent leurs efforts qu'en bordure d'un précipice? Ai-je besoin d'une bouffée d'air? À la 45e, est-ce qu'avec soin le sort fédère comme quand je chante ce requiem? Est-ce que mes disques sont-elles une lame dans tes plaies? Est-ce que je prendrai des risques, vendrai mon âme sur un couplet? Est-ce que je deviendrai aigri, amaigri, le suis-je déjà? Est-ce que sous ce ciel gris je ne tiendrai que sous ganja? Est-ce que je supporte l'esprit du vainqueur à la rounée? Est-ce que je porte le prix des coups en plein cœur comme Rodney? Est-ce que mes habitudes méritent sont un cran démoniaque? Est-ce que mon attitude abrite comme un grand paranoïaque? Dans ma boîte crânienne, aux pensées hallucinogènes, rien de sensé ni d'homogène, atmosphère moite et quotidienne. En moi cette propension à faire les prolongations, à mes points d'interrogation répond trois points de suspension. Dans ma boîte crânienne, aux pensées hallucinogènes, rien de sensé ni d'homogène, atmosphère moite et quotidienne. En moi cette propension à faire les prolongations, à mes points d'interrogation répond trois points de suspension.